avant, j'écrivais pour qu'on m'écoute. Maintenant je flippe, mon rap soit sur écoute. Ce qui s'instaure, c'est des doutes. Je réalise seulement ce qu'on peut donner comme carte à jouer. Et à quel point écrire peut te nuire, échanger les données. Dis quand même pas grâce à mes textes, tu me comprends et tu me connais. Y'a que moi dans ma tête qui sait vraiment ce qui peut se passer. Et puis je suis sincère quand je rappe, mais je suis sincère quand je dis. Quand je dis toutes ces pensées, c'est vrai, je suis investi. J'étale sur papier tous mes rêves, tous mes cauchemars. Moi j'ai peur quand y'a une trêve ou que je me retrouve dans le noir. J'explique tous mes délires, toutes mes paniques, tout est tragique. Et pourquoi je reste figé en attendant un déclic? Pourquoi j'anticipe pas toutes mes angoisses? Pourquoi je lave mon linge sale en public? Pourquoi c'est mon exutoire? J'explore ce que je suis et je le fais à haute voix. Et puis voilà ce que je suis, car le rap c'est parler de soi. Sers-toi pas de mes textes comme chantage ou argument. Sers-toi pas pour me tester ou pour me parler gentiment. Crois pas me connaître, retiens que je rappe que l'audible. Et ne crois pas que je rappe pour être tout perceptible. Je tente de penser mes peines et toi tu cernes mes problèmes. Tu crois que j'ai besoin d'aide comme si t'étais de la veille. Comprends, j'écris aussi ce dont j'ai plus envie de parler. Et c'est aussi tout ce que j'ai trouvé pour avancer. Je suis trop sincère, peut-être je me suis trop étalé. Je me suis trop confié, moi qui ne le fais jamais. On me disait secrète, maintenant on me dit discrète. Parce qu'une fois que c'est écrit, je t'en ferai plus une disserte. Peu importe, peut-être que je me prends trop la tête. Mais le fait est là, et mon crayon écrit ça. Je m'en rends compte, je vois ce que j'ai semé derrière moi. De l'intimité, des faiblesses, des indices sur des litas. Je m'invente pas une vie, je parle de ce que je vis, ce que j'ai vécu. Tant pis pour les bifs, pour les critiques et les déçus. Introspective de ma vie, répétitive et mal perçue. Sincère et sur mesure, j'assume mes peines et mes blessures. Sers-toi pas de mes textes comme chantage ou argument. Sers-toi pas pour me tester ou pour me parler gentiment. Crois pas me connaître, retiens que je rappe que l'audible. Et ne crois pas que je rappe pour être plus perceptible. J'ai jamais été aussi heureuse qu'on me dise que je suis entière. Sincère, c'est vrai, je mets en application mes valeurs. C'est l'heure de vous dire que j'ai quand même un peu peur de me retourner, de me dire. Mais quelle erreur d'avoir donné tant de moi, tant de bâtons pour me faire battre. Donner aux amis ou ennemis la force de me faire mal. J'ai comme une hésitation, l'envie de remettre en question. Là où certains prendraient le melon, je perds mon aspiration. C'est con, non? C'est juste une réaction, celle d'une meuf qui a bouffé le miroir de sa vie en plein fond. Ce morceau, c'est dernier écrit, mais pas dessus je conclue. À défaut qu'il y ait des déçus, il a sa place depuis le début. La reconnaissance, certains rêvent d'en avoir, passé l'essence du pouvoir. Moi ça m'effraie, je veux rester dans le noir. Peut-être bien qu'au final, tout ça c'est égoïste. Juste un trip égocentrique, bercé par une rythmique. Sers-toi pas de mes textes comme chantage ou argument. Sers-toi pas pour me tester ou pour me parler gentiment. Crois pas me connaître, retiens que je rappe que l'audible. Et ne crois pas que je rappe pour être perceptible. Sers-toi pas de mes textes comme chantage ou argument. Sers-toi pas pour me tester ou pour me parler gentiment. Crois pas me connaître, retiens que je rappe que l'audible. Et ne crois pas que je rappe pour être perceptible.